Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Le temps des fêtes est un bon temps pour fraterniser avec les gens qu'on aime. Et l'équipe de Batterie Expert aimerait souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à ses clients et amis. Et les remercie de leur confiance durant l'année qui s'achève. Batterie Expert, au 356 8e Avenue à Dolbeau-Mistassini. Au 418-979-7812. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini au 418-276-2108. Qui dit temps des fêtes, dit évidemment championnat du monde de hockey junior, mais dit également les bowls américains. Et même si c'est le jour de l'an, ben on parle de la NCAA avec notre ami Hugues Fouché. Salut Hugues! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu écoutes beaucoup de bowls pendant le temps des fêtes? Oui, je les écoute tous, en fait. Surtout cette année, c'est plus facile. Oui, puis cette année, c'est plus facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. À date, j'en ai pas vraiment manqué, je te dirais. Là, il y a quelques-uns quand même. Là, j'ai pas vu Western Kentucky contre Georgia State, genre, mais j'ai pas mal écouté toutes les autres. OK. Donc, écoute, moi, ce que j'ai remarqué également, c'est le Curveball, défaite de Coastal Colonia Rhino, la petite université, qui ont perdu contre Liberty. Ça, c'était un match qui était vraiment. Qui s'est soldé en prolongation par là-dessus. Tout un match, hein. Ça a été extrêmement serré jusqu'à la fin. Mais Liberty, on savait que c'était une bonne équipe. Hein. C'est juste qu'il avait reçu moins de publicité que Coastal Carolina, mais il avait eu une couple de grosses victoires aussi. Honnêtement, je les avais pas vraiment vu jouer avant ce match-là. Mais écoute, une belle surprise. Ils ont été extrêmement forts. C'était un match qui aurait pu aller d'un côté ou de l'autre, qui a été disputé jusqu'à la fin. Mais ces deux programmes, ça je le savais pas, là, pour être honnête avec toi, qui s'étaient déjà affrontés souvent en deuxième division, en FCS. Ils avaient fait partie de la même conférence, c'est drôle, hein? C'est que c'est une université qui avait une historique un contre l'autre, qui ont fait le saut presque en même temps. C'était la première fois qu'ils s'affrontaient là, en FBS, donc pour simplifier les choses, on va dire en première division. Ouais. Du football collégial. C'est le premier affrontement, mais c'était deux universités deux programmes là, qui ne s'aiment pas tant que ça. Alors, ça donnait un match assez intense. Et puis, finalement, Liberty l'a quand même emporté, même si. C'est le genre de match, Danny, on recommencerait ça la semaine prochaine, puis c'est peut-être Coastal Carolina qui gagnerait. Là. C'est vraiment. On avait vraiment l'impression de deux bons petits programmes universitaires qui étaient vraiment équilibrés puis de la même force. Ça s'est décidé en prolongation. OK. Dis-moi, est-ce que c'est du côté de... Je me suis fait demander la question puis je ne savais pas. C'est que ça prend hein, pour passer en première division? Parce que tu vois que la deuxième... Que Coastal Carolina... FCS. Oui. Coastal Carolina a passé en première division récemment. Ça prend quoi? Oui. En fait, pour être honnête, là, d'après moi, il faut que tu t'entendes. J'ai pas la réponse précise, mais je pense qu'il faut simplement que tu t'entendes avec une des conférences. Okay. Donc, Coastal Carolina, par exemple, ils sont allés dans le... Je suis pas sûr dans quelle conférence ils sont, là, mais... Mountain West, ou je sais pas trop, mais il faut que tu t'entendes avec une conférence qui t'accepte dans ses rangs. Okay. Puis à ce moment-là, tu peux passer dans la conférence FBS. Donc, c'est des ententes qui sont prises. Moi, je me suis toujours posé la question si il y aurait une possibilité, à un moment donné, qu'une université canadienne puisse faire le saut dans le haut de les questions du calibre de jeu. Qui domine tout le temps, oui. tout le temps. C'en est quasiment une vraie phrase. Écoute, oui. Puis moi, je vais être honnête avec toi. J'ai souvent regardé, en regardant des matchs d'université un peu moins fortes, là, moi, je vois pas à l'œil, là, une grande différence. J'étais allé à un moment donné voir jouer les Carabins, puis le soir même, j'avais écouté Hawaii contre, je me rappelle plus, genre San Jose State, là. Ouais. Et puis, ça m'avait frappé. Les Carabins avaient à ce moment-là un bloqueur à gauche qui a joué dans la NFL plus tard, là. Son nom m'échappe, Berrio, je pense. Puis, qui était assez évident comme David talent. Foucault? Était, non, c'était pas David Foucault. Merci, David Foucault, c'est ça. Les Lions de l'économie britannique maintenant. Oui, c'est ça. Puis, c'est sûr que lui, il paraissait sur le terrain. Hein, c'était pas, ouais. pas long que tu le remarquais, mais il était très bon joueur. Mais je veux dire, tu regardais ça, puis je me disais, j'avais regardé le soir l'autre match et en revenant des Carabins, puis honnêtement, c'est sûr qu'un est à télé, l'autre est en... C'est pas tout à fait la même chose, mais moi, ça m'apparaissait que la différence de calibre était pas bien moins grande que certains experts le disent. Puis une équipe comme le Rouge et Or, je serais curieux. Tu sais, je te dis pas qu'ils pourraient jouer contre Ohio State, là, ouais. mais sûrement que peut-être qu'un jour, ça se fera, mais c'est des... Bref, c'est des ententes comme ça avec les conférences. Okay. Et puis, tu sais, prends une université comme McGill, par exemple, dans le Ivy League, là, avec Harvard, puis le MIT, puis ces universités-là, ça serait une alliance naturelle pour une université comme McGill. Ben oui. Ils n'ont pas le programme de football, mais ils attireraient sûrement des bien meilleurs joueurs. Certainement que ça doit prendre un stade convenable aussi, un stade, pas un stade de 10 000 personnes, là, quand même. Là. Tu sais, Mais pour le Ivy League, qui joue en FCS, donc eux sont comme un peu en deuxième division. Probablement que le stade McGill, moi je pense que ça se conviendrait, là. Mais c'est sûr que pour la première division, t'as besoin de si tu veux, par exemple, être dans le Big Ten, t'aurais besoin de plus que ça, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas impossible. Moi, ça m'intéresserait pas. Ça serait le fun en Moses. Mais c'est comme ça que ça se passe. Puis, tu sais, il y a des bonnes équipes en division FCS. North Dakota State, entre autres, Trillin, depuis des années. Il n'y a pas eu. Non, oui. Carson Wentz, oui, c'est North Dakota. Oui. Non, la même chose. C'est même l'université North Dakota State. Okay. Puis honnêtement, ils ont produit beaucoup de joueurs pour la NFL. C'est une équipe qui m'apparaît être la force de à peu près n'importe quel Power 5 qui n'est pas, évidemment, à Ohio State ou Clemson ou Alabama, mais. Si tu les plaçais contre Purdue, contre peu importe, là, Wake Forest, ils seraient facilement de cette force-là. C'est un très bon programme, ils sont extrêmement forts, ils forment bien les joueurs. C'est que, tu sais, il y a des bonnes universités en FCS aussi. Okay. Et puis, dans le Group of Five, il y en a aussi des bons programmes. Puis, Coastal Carolina, là, puis Liberty, ça en est deux, ce qu'on a okay. vu, là, qui est très, très bon. OK. Dis-moi, bon, hier, j'ai regardé que, mercredi, je veux dire qu'on enregistre le 31 et qu'on diffuse le premier. Donc, j'ai regardé le Cotton Bowl. C'était quand même une déception, mais ça, écoute, faut quand même admettre une chose, c'est que la Floride était pas là du tout dans le match. Donc, non, mais on, tu sais que. Il y avait plusieurs équipes. Tout leur meilleur. Kyle Pitts, leur excellent. Oui. Toutes les meilleures, Pitts, Tony, Copeland, leurs quatre meilleurs receveurs de passe n'étaient pas là. C'est que, à un moment donné, là, puis honnêtement, Kyle Trask aurait très bien pu pas jouer le match. Personne n'y en aurait voulu. Il a décidé de le jouer quand même. Puis il s'est fait un tort considérable parce qu'honnêtement, c'était pas trop beau à regarder, non. même en tenant compte. Ça a posé, je vais te dire que j'ai des points d'interrogation sur ce gars-là que j'avais pas avant le match. Tant ça a été pénible de le regarder. Sauf que on peut pas oublier ce que Kyle Trask a fait. Écoute, l'année passée, quand il a pris Florida, c'était Felipe Franks qui était le corps arrière et puis c'était une attaque minable. Là. C'était pas une bonne équipe. Ils étaient incapables d'avancer le ballon. Puis quand Trask est arrivé, il a complètement transformé. Par sa seule présence, il a complètement changé l'attaque de Floride. Fait que, tu sais, ça, tu peux pas y enlever. Personne peut y enlever d'avoir fait ça. Ça demeure un excellent prospect, mais hier, il s'est planté. Il reste quand même, puis ça, vous l'admettez, c'est mon chum Alexandre Gauthier qui m'a fait connaître, qui m'a fait réaliser ça. Il vient de la Floride. Puis la Floride, historiquement parlant, puis ça, on en a parlé, ils n'ont pas produit de bons carrières pour la NFL. C'est un cas. Hey, on a Danny Werfel, on a également Ryan Lee. Tim Thibault. Qui, pardon? Tim Thibault. Tim Thibault. On a également, le meilleur que j'ai vu dans la gang, c'est Jacoby Brissett, qui est un deuxième carrière. Il avait transféré, puis sa carrière, il l'a pas fait en Floride, il a transféré à North Jesse Palmer, North Carolina State. ESPN, qu'on a failli voir avec les Alouettes jouer pour la Floride également. Donc, il n'y a pas de... Cam Newton a commencé sa carrière là, avant de se faire mettre à la porte, puis d'aller à Auburn. Okay. Mais il s'est fait mettre à la porte du programme puis il est allé à Auburn. Alors, tu sais, il y a eu, mais c'est pas une université qui a produit effectivement. Puis Newton, c'est pas la Floride qui l'a formé là, c'est Auburn. C'est que, il y a, non, effectivement, t'as raison. Il va falloir voir dans le cas de Kyle Trask ce que ça va donner. Mais reste que c'est un gars qui a pas de trait dominant. C'est pas un bras hyper puissant. Ouais. Il n'est pas particulièrement mobile, mais il est assez mobile, puis il a un bras assez puissant. Il est habituellement, pas hier, là, mais habituellement, c'est un passeur très précis. Mais là, pas dans ce match-là, mais d'habitude, il est très précis. C'est un gars qui vit puis qui meurt par le timing de ses passes. Mm. C'est-à-dire qu'il, tu sais, puis si les tracés sont mal courus, puis que le système autour de lui tout croche parce qu'il n'y a pas ses receveurs de passes habituels, ça va peut-être plus paraître que dans le cas de certains autres corps arrière. Alors, l'équipe de la NFL qui va le repêcher va devoir être consciente, ça va lui prendre un bon système de jeu. Là. C'est pas un gars qui est instinctif. Il va avoir besoin d'une bonne structure autour de lui, mais il pourrait... si il baisse au repêchage à cause de ce match-là, il peut devenir un très bon... comment je peux dire? Il peut devenir un très bon bargain pour une équipe qui cherche un corps arrière. Là. On va en reparler lundi, mais est-ce que... mais est-ce qu'il vient de... Parce que lui, il était favori, je pense, pour Blair Heisman. Hein? C'est-à-dire, pas nécessairement. J'avais vu sa fiche, puis il me semble que c'était lui qui était favori quand j'avais vu ça. À un moment donné, oui. Par contre, au cours des dernières semaines, c'est qu'on ne sait pas trop, parce que il y a deux COVID joueurs de la même équipe. Il y a le dos large, COVID, il y a le dos large, non? Oui, ben moi, je te dirais que Devante Smith d'Alabama est actuellement, il a, son nom circule beaucoup. Je pense qu'il pourrait le gagner. OK, mais c'est un receveur de passe. Mais le problème, c'est que Mac Jones et Devante Smith jouent dans la même équipe. Puis ils vont peut-être se diviser les votes. Ça va peut-être permettre à Kyle Trask de gagner. Mais c'est bien, bien difficile à dire à ce stade-ci. C'est vraiment une année où il n'y a pas eu tant que ça, là, quelqu'un qui s'est démarqué. Donc, peut-être qu'il pourrait... Moi, j'aimerais ça, tant qu'à ça, que ce soit Devante Smith, parce que c'est pas juste un trophée de corps arrière. À un moment donné, il faut pouvoir le donner aussi à des joueurs qui se sont démarqués à d'autres positions. Puis honnêtement, Devante Smith, il y a une saison... c'est incroyable. Il retourne des bottés. C'est un receveur de passe. C'est vraiment très fort. Il fait tout pour son équipe. À un moment donné, je m'attends à ce qu'il le mette pour faire le botté de placement ou tellement qu'il est bon dans tout. Là. C'est que non, je pense que ça serait. J'aimerais pas que ce soit lui, mais ça, on va voir. Là, mais moi, je pense que c'est Devante Smith qui mériterait en tout cas de le gagner. On va voir si ça va être lui. OK. Autre match que tu as surveillé de presse. Y en a-tu parmi deux que tu as aimé des autres bowls? Oui, ben écoute, Oklahoma State. Et puis Miami, ça a quand même donné un match divertissant. Ça s'est fini très, très serré à la fin. Là. Ça a fini 37-34 pour Oklahoma State. Ils avaient pris une bonne avance, mais Miami s'est battu tout le match malgré qu'ils ont perdu leur corps partant d'Eric King. Donc moi, ça, c'est un match que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la performance de la défensive de Wisconsin contre Wake Forest. Ils ont réalisé une tonne d'interceptions contre Hartman, qui n'est pas un mauvais corps arrière. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce match-là. À un moment donné, on dirait que les joueurs défensifs de Wisconsin étaient constamment dans ces lignes de passe. Donc, il y avait probablement une lecture sur lui. Il savait un peu, mettons, quand il se positionne de telle façon, il va aller à telle place. Là, c'était comme clair qu'il y avait un problème de mal déguiser ses intentions. C'est que ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, mais j'ai aimé la performance de la défensive de Wisconsin. Honnêtement, le Wisconsin n'a pas connu une grande année, mais je trouve qu'ils se sont vraiment présentés dans ce match-là. J'aime ça voir ça. Donc ça, c'est des... je te dirais que c'est des matchs que j'ai vraiment aimés. L'autre, je regarde dans les autres matchs. On n'en avait pas parlé, mais la performance de BYU contre UCF, est-ce qu'on en avait parlé de ça? Non, ben oui, c'était en fait semaine passée. On avait parlé de ça, hein, le 400 verges ouais. de celui qu'on aimerait voir, nos Patriotes repêcher. J'aimerais donc ça. On va voir si ça va arriver, mais s'il se déclare, parce qu'il lui reste une année d'éligibilité, mais ça, c'est vraiment probablement le bowl que j'ai le plus aimé, je te dis, le BYU, UCF, c'était vraiment le fun de voir l'offensive de BYU fonctionner. OK. On va faire une pause et on revient dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Hugues Fouché. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercient de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605. L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. Le personnel et la direction des transports Véro souhaitent de joyeuses fêtes et remercient ses clients durant l'année qui se termine. Paix, bonheur, amour et prospérité, ce sont les vœux du groupe Véro, situé au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien. On peut nous rejoindre au 418-679-1573. On est de retour à Hugues avec Hugues Fauché, c'est les éliminatoires. Les choses changent vite, hein, parce qu'au début d'année, beaucoup de gens même admettent que les choses peut-être qu'il devrait être le numéro 1, puis Lawrence le numéro 2, mais que peut-être qu'il devrait être le numéro 1, puis Lawrence le numéro 2, imagine. Mais écoute, sur papier, c'est vraiment une partie qui est très équilibrée au Ohio State. C'est une partie qui est très équilibrée au Ohio State. Qui sont de la même force. Honnêtement, sur papier, c'est deux équipes qui sont de la même force. Honnêtement, c'est impossible de prédire qui va gagner.

Nathaniel Fouché du site internet, lebitsnfl.com.